بسم الله الرحمن الرحيم ندخل الآن في سورة الحاقة. الحاقة ولا مسألة 98 بعد المئة الصاقة تجمع مسألة في قوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين رسول الله يجي et aucune nourriture si ce n'est du pu, c'est-à-dire pour les gens du feu. Verset 36. قال رحمه الله تعالى ظاهر هذا الحصر أنه لا طعام لأهل النار إلا الغسلين وهو ما يسيل من صديد أهل النار على أصح التفسيرات. Donc le verset dans son apparent nous montre que les gens du feu n'auront pour nourriture exclusivement que du pu. Et le plus, c'est l'un des tafsirs qui a été donné par rapport au verset. D'autres, ils ont dit autre chose, mais le plus authentique des tafsirs, des interprétations de ce verset, c'est que le ghasl, c'est du pu. قال وقد جاءت آية أخرى تدل على حصر طعامهم في غير غسلين. ويقوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع وهو الشبرق اليابس على أصح التفسيرات. Et d'autres versets sont venus montrer que les gens du feu auront d'autres nourritures qui leur sont exclusives. C'est-à-dire qu'ils n'auront que cela comme nourriture autre que Rislin. Comme cela vient dans le sens où Allah est dans le sens où il dit, et qu'ils n'auront pas de nourriture si ce n'est des plantes épineuses. Et justement, Al-Dhali' c'est une plante épineuse. Avec des grands... Yani à la base, c'est une plante qui se trouve, comme l'a dit le Muhakkik, dans le Hijaz, avec des grandes épines. قال وللعلماء عن عن هذا أجوبة كثيرة أحسنها عندي اثنان منها ولذلك اختصرت عليهما. Donc les ulama ont plusieurs réponses par rapport à ces deux versets. Et lui s'est contenté d'en citer que deux qui sont les meilleurs pour lui. قال الأول أن العذاب ألوان والمعذبون طبقات. فمنهم من لا طعام له إلا من غسلين ومنهم لا طعام له إلا من ضليع ومنهم من لا طعام له إلا الزقوم ويدل لهذا قوله تعالى لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Donc première réponse c'est que le azab, le châtiment qui aura lieu après la mort est de différentes sortes et les gens qui sont châtiés sont de différents niveaux également. Parmi eux, certains qui n'auront d'autre nourriture que le ghislin, le pu. Et d'autres qui n'auront d'autre nourriture que Al-Dhalir, qui est la plante épineuse. Et parmi eux, certains qui n'auront d'autre nourriture que Al-Zakoum, qui est l'arbre qui se trouve dans la Jahannam, en enfer. Et cela est prouvé par la parole d'Allah dans le sens où il dit, en parlant de Jahannam, qu'elle a sept portes. Elle a sept portes, et chacune des portes a sa part déterminée. Surat al-Hijr, verset 44. Donc, c'est la première réponse. Que ce châtiment est divers et varie en fonction des gens. الثاني deuxième أن المعنى في جميع الآيات أنها لا طعام له أصلا لأن الضريع لا يصدق عليه اسم الطعام ولا تأكله البهائم فأحرى الأداميون وكذلك الغسلين ليس من الطعام فمن طعامه الضريع لا طعام له ومن طعامه الغسلين كذلك. Donc tout simplement, deuxième réponse, c'est que tout simplement, cela veut dire qu'ils n'ont pas de nourriture à la base, tout simplement. Car Al-Dhalir, la plante épineuse, à la base, c'est une chose qui n'est pas appelée comme étant de la nourriture. D'ailleurs, même le bétail n'en mange pas. Les animaux qui sont élevés, ou même les animaux sauvages, ne mangent pas de cette plante-là. Alors, qu'en est-il des êtres humains? Également, le pu. Ce n'est pas une nourriture, le pu. Donc, celui dont la nourriture, qu'on aimerait nourriture entre parenthèses, ça serait le pu, ainsi que les épines, cela revient à dire qu'il n'a pas de nourriture, tout simplement. قَالَ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ فُلَيْنُ لَذِلَّ لَهُ إِلَى الشَّمْسِ وَلَا دَبَّتَ لَهُ إِلَى دَبَّتَ ثَوْبِهِ يَنِي الْقَمْلِ وَمُرَادُهُمْ لَذِلَّ لَهُ أَصْلًا وَلَا دَبَّتَ لَهُ أَصْلًا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَلَا إِشْكَالِ وَلَعِمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. Cela revient à quoi? À l'expression que certains disent que un tel n'a pas d'ombre, c'est l'ombre du soleil. Et d'autres qui disent « Fulen n'a pas d'animal, c'est l'animal de ses vêtements », c'est-à-dire les puces. Et il veut dire quoi par cela? Qu'en fait, il n'a pas du tout d'ombre. Ça veut dire qu'on dirait « Celui-là n'a pas d'ombre, c'est l'ombre du soleil », c'est-à-dire qu'il n'a pas d'ombre. Et ceux qu'on dit qu'il n'a pas d'animal hormis les puces, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'animal. Donc cela ne pose aucun problème. Et voilà comment joindre entre les versets et la source auprès d'Allah, Azza wa Jal, والحمد لله رب العالمين.